temps. Faut-il maintenant? Combien de jours? Combien d'amour? Pour oublier qu'on s'est aimé. Combien d'endroits vides sans toi et de souvenirs qu'il faut détruire pour oublier qu'on s'est aimé.